n'est là pour personne. Il me dit toujours non. Il comprend de travers mon adresse et mon nom et répète à l'envers toutes mes commissions. Ou bien personne.